السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est la deuxième partie de la traduction de cet écrit de Cheikh Obeid El-Jabiri, Hafizahullah Ta'ala, sur des fondements et des règles de base dans le Minhaj Salafi. Et donc, dans la première partie, le Cheikh avait cité trois choses qui viennent aider, ou trois choses qui vont aider les gens de la sunna, les salafis, à supporter les épreuves et la multitude de leurs ennemis. La première des choses que le Cheikh avait citées, qui va aider le salafi à patienter, à endurer, malgré le grand nombre de ses ennemis. Donc la première de ces choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que ces gens-là, les gens du groupe sauvé, les gens de la vérité, ils auront comme compagnons les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Dans l'au-delà. Et la deuxième des choses que le Cheikh a cité pour aider le salafi à patienter, même s'il voit que ses ennemis sont nombreux, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour de la résurrection viendra le prophète avec qui? Naam, qui aura avec lui un groupe de personnes, et un autre prophète viendra avec une ou deux personnes qui l'auront suivi, et viendra même le prophète avec personne. Il n'y a personne ne l'aura suivi parmi son peuple. Et donc le Cheikh a expliqué que si des prophètes se sont retrouvés seuls alors qu'ils sont sur la vérité, alors ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire nous, c'est encore plus évident qu'on peut se retrouver un jour seul ou peu nombreux face à la multitude d'ennemis. Et la troisième des choses que le Cheikh a cité pour aider le salafi à patienter sur la multitude de ses ennemis, c'est le athar. Et beaucoup de ulama, ou certains ulama plutôt, l'ont rendu authentique. C'est un hadith. Certains ulama ont dit que c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, qui dit que dans chaque génération portera cette science les gens honnêtes et intègres. Ils réfuteront les modifications des gens d'exagération, et les faussetés des gens du faux et les interprétations des ignorants. Donc celui qui ordonne le bien et appelle à la vérité, et qui interdit le mal et combat le faux, il fait partie des meilleurs gens, conformément à ce hadith. Donc ce sont les trois choses que le Cheikh avait citées pour aider le salafi à patienter sur la multitude de ses ennemis. Et le Cheikh avait cité cela en tant qu'introduction à cette conférence ou à cet écrit. Ensuite, le Cheikh il dit: وقبل أن ننتقل إلى بعض القواعد في المنهج السلفي أريد أن أعرف المنهج السلفي. Et avant de passer à l'exposé de certaines règles dans le minhaj salafi, je voudrais définir ce qu'est le minhaj salafi. وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين. Et pour définir ce qu'est le minhaj salafi, cela nécessite de notre part deux choses. الأول في السلفية. La première des choses, définir le terme. Définir le terme de السلفية, la salafia. الثاني في تحديد هذا المنهج ما هو وما معناه. Et la deuxième des choses que cela nécessite pour définir le manhaj salafi, c'est de déterminer ce qu'est exactement ce manhaj. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que ça signifie d'être salafi? Ensuite, le shikh, il continue et il dit: فَالسَّلَفِيَّةُ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى مَنْ سَلَفْ. Donc, le mot salafiyya, salafisme, dans la langue arabe, c'est une affiliation à ceux qui ont précédé. Bima'na madha, c'est-à-dire qu'ils sont venus avant. Fayuqalu lil madhi as-salif. Donc pour ce qui est venu avant, on appelle ça as-salif en arabe. Wa idha amdha al-insanu shay'an qila lahu aslafahu. Et si l'être humain a fait une chose auparavant, on dit, en arabe, on dit aslafahu, il l'a fait auparavant. Wa fil hadith aslamta ala ma aslafta min al-khair ou min khair, yani ma amdaita min qabl. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un de ses compagnons: Tu es rentré dans l'islam grâce à ce que tu avais fait auparavant comme bien. C'est-à-dire ce que tu avais fait avant l'islam. Donc ça, c'était l'explication du shir par rapport d'un point de vue linguistique, au niveau de la langue arabe. Que le mot donc salaf, il désigne tous ceux qui ont précédé. Ou ceux qui a précédé. Wa fil istilah kullu man mada ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala atharihi min ashabihi wa a'immati at-tabi'in wa man ba'dahum. Et dans la terminologie des savants, donc là on sort de la langue arabe, maintenant on vient à la terminologie. Il dit chez les savants, chez les gens de science, quand ils utilisent le terme salaf, donc il dit Cheikh Obeid, dans la terminologie pour les savants, le mot salaf, il désigne tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant ses traces, qu'ils fassent partie de ses compagnons ou des grands imams parmi les tabirines, les suiveurs, ou ceux qui sont venus après. Ensuite, le cheikh, il explique plus en détail et il dit: wa idha utliqa lafz as-salaf as-salih fa innahu la yansarif awwalan illa ila al-qurun ath-thalathah al-mufaddalah. Et donc lorsque le terme as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, lorsqu'il est cité de manière générale, le mot salaf salih, le mot pieux prédécesseur, lorsqu'il est cité de manière générale, il ne vise que les gens des trois premières générations de l'islam, qui étaient les meilleures générations de l'islam. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباع التابعين. Et ce sont les compagnons du prophète, les trois premières générations, ce sont les compagnons, la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle des tabi'in, puis celle des atba'at tabi'in. وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, le cheikh il dit que les gens de science, experts, les experts parmi les gens de science, cheikh il dit, les experts parmi les gens de science, ils rapportent, ou ils ils disent que ces trois générations, ce sont les trois générations qui sont citées dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs gens ce sont ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Et d'autres hadiths qui vont dans le même sens, d'autres hadiths authentiques qui vont dans le même sens. Donc lorsque, le cheikh là ce qu'il a expliqué, c'est que lorsque le terme As-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, il est cité de manière générale, la première des choses, ou les premières personnes sur qui il s'applique, ce sont les trois premières générations de l'islam, qui sont les compagnons du prophète, puis les tabi'in, puis les suiveurs des tabi'in. Atba'u tabi'in. Tayyib. Ensuite, le cheikh, il dit, wa a'immatu as-salafiyyati بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثل السعيدين. Donc les grands imams de la salafia après les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, donc on compte parmi les tabi'in par exemple, As-Sa'idain, les deux Sa'id. Et ça, c'est un terme que les gens du hadith utilisent pour désigner Sa'id ibn Jubayr ou Sa'id ibn al-Musayyib. Donc, lorsqu'ils disent As-Sa'idain, les deux Sa'id, le premier c'est Sa'id ibn Jubayr et le deuxième c'est Sa'id ibn al-Musayyib qui font partie des Tabi'in. C'est-à-dire qui ont rencontré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Cheikh, que parmi les imams, les grands imams de la salafia après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on compte parmi les tabi'in, As-Sa'idain, les deux Sa'id, Sa'id ibn Jubayr, wa Sa'id ibn al-Musayyib, wa Al-Sha'bi, wa Ikrima, qui était un esclave d'Ibn Abbas radiallahu anhu, wa Mujahid, et Mujahid également parmi les tabi'in et les grands imams de la salafia, qui lui aussi Mujahid était un esclave. Donc ça c'est parmi les tabi'in. Cheikh il a cité donc les deux Sa'id, Sa'id ibn Jubayr et Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Sha'bi, Ikrima et Mujahid. Et vous voyez que parmi les imams de la salafia, il y avait qui? Il y avait des esclaves. Pour dire que la science, elle élève l'être humain, même si il n'est pas d'une grande lignée. Même celui qui, socialement, c'est quelqu'un de bas dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève par la science et par le suivi de la sunna. Ensuite, Cheikh il dit, wa min atba'i at-tabi'in, puis également les grands imams de la salafia parmi les suiveurs des tabi'in, ceux qui sont venus après, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré des tabi'in, ils n'ont pas rencontré de compagnons, mais ils ont rencontré des tabi'in. Donc parmi les atba'i at-tabi'in, kal a'immatil arba'a, comme les quatre imams, l'imam Abu Hanifa, wa l'imam Malik, wa l'imam Shafi'i, wa l'imam Ahmed ibn Hanbal, les quatre imams des quatre grandes écoles juridiques, ou les quatre grandes écoles de fiqh pour être plus précis. Donc parmi atba' al-tabi'in, les quatre imams, والأوزاعي, الأوزاعي également, والحمادين, والسفيانين également, les deux Hammad et les deux Soufiane. Pareil, comme tout à l'heure, on a cité As-Sa'idain, les deux Sa'id, Sa'id ibn Jubayr et Sa'id ibn al-Musayyib. Également, parmi les termes qui sont employés par les savants du hadith, Al-Hammadain, pour désigner les deux Hammad, Hammad ibn Zayd ou Hammad ibn Salama. Hammad ibn Zayd ou Hammad ibn Salama. On les appelle Al-Hammadan ou Al-Hammadain. Et également les deux Soufiane, As-Soufianain, les deux Soufiane, qui sont Soufiane al-Thawri et Soufiane ibn Uyayna. Soufiane al-Thawri et Soufiane ibn Uyayna. Et également, le Cheikh, il cite également parmi Atba' al-Tabi'in, parmi les grands imams de la Salafiyya, Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd, qui était aussi un grand savant et qui était comparé dans la science à l'imam Malik, rahimahullah. Si ce n'est que Malik a eu des élèves qui ont travaillé pour propager son école, son madhhab, contrairement à Al-Layth ibn Sa'd. Taïb. Wa Abi Ubayd Al-Qasim القاسم بن سلام أو القاسم بن سلام أبي عبيد القاسم بن سلام également parmi les grands imams de la salafie parmi أتباع التابعين la troisième génération أبو عبيد القاسم بن سلام بتجديد اللام en mettant une shadda sur le lam القاسم بن سلام et également البخاري il cite le شيخ ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء et tous ceux qui ont suivi le chemin de ces gens-là فإنهم أئمة السلف الصالح ces gens-là que le Cheikh a cité et d'autres ce sont les grands imams et les grands savants parmi les salaf salih parmi les pieux prédécesseurs parce que les pieux prédécesseurs ils étaient tous dans le bien mais il y en avait qui se sont démarqués par rapport aux autres comme ceux que le Cheikh a cité et d'autres que le Cheikh n'a pas cité également. Donc ce sont ces gens-là qui sont les grands imams et les grands savants parmi les pieux prédécesseurs. Ensuite le Cheikh il dit وَعْلَمُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ أَنَّ السَّلَفِيَّةَ لَمْ يُؤَسِّسْهَا أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ et sachez qu'Allah vous bénisse que la salafia, le salafisme, n'a été fondé par personne parmi les hommes, à n'importe quelle époque que ce soit et à n'importe quel endroit que ce soit. La salafia, le salafisme, n'a pas été fondé par un homme. فَلَمْ يَكُنِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ مَعَ أَخِيهِ الْإِمَامِ مُحَمَّدْ بْنِ سُعُودِ مُؤَسِّسَيْنِ لِلسَّلَفِيَّةِ Donc, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab et son frère, l'imam Mohamed ibn Saoud, ce ne sont pas eux les fondateurs du salafisme. Ce ne sont pas eux les fondateurs de la salafia. Et ça, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire dans les médias et certains innovateurs également. Les mécréants dans les médias et certains innovateurs essayent de faire croire que la salafia a été fondée par Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Donc le Cheikh là il réfute cela, il dit ce n'est pas Mohamed ibn Abdel Wahhab qui l'a fondé avec son frère l'imam Mohamed ibn Saoud. Mohamed ibn Saoud qui était le gouverneur et Mohamed ibn Abdel Wahhab qui était le savant. Et depuis leur union, lorsque le Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab a appelé au tawhid et que tous les gouverneurs, à l'époque, l'Arabie était divisée en plusieurs petits royaumes et plusieurs petits émirats, Chaque région avait son émir, avait son roi, avait son dirigeant. Et ils étaient divisés. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a appelé au tawhid. Il a appelé au tawhid et personne parmi les gouverneurs de ces états ne voulait le secourir et soutenir sa da'wah. Jusqu'à ce qu'il a présenté sa da'wah à l'imam Mohammed ibn Saoud, au gouverneur Mohammed ibn Saoud, qui est l'ancêtre de la famille royale saoudienne. Et donc Mohammed ibn Saoud a accepté de soutenir la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et c'est là où se sont retrouvés ensemble la science avec le pouvoir. La science et le pouvoir. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui concentrait ses efforts dans la da'wah, dans la propagation de la science et du tawhid, et Mohammed ibn Saoud, le gouverneur, qui soutenait la da'wah et la protégeait et la propageait par l'épée lorsqu'il le fallait. Donc ce ne sont pas eux deux qui ont fondé le salafisme. Le cheikh nous dit. Wala man qablahuma min ahli al-ilm. Et ni ceux qui étaient avant eux, parmi les gens de science, wa a'immat ad-din, et parmi les imams les grands imams de la religion, wa du'at al-haq, et les prêcheurs de la vérité, les prédicateurs de la vérité. Ila hadhihi al-millati al-hanifiyya mu'assisina laha. Donc le cheikh il dit, ce n'est ni Mohammed ibn Abdel Wahhab avec Mohammed ibn Saoud qui ont fondé le salafiyya, ni ceux qui étaient avant eux parmi les gens de science et parmi les prédicateurs de la vérité qui appelaient les gens à la religion pure. Aucun d'entre eux n'est venu fonder la salafiyya. Puis il cite des exemples des imams qu'il y avait avant et des grands savants qu'il y avait avant Mohammed ibn Abdel Wahhab. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته tel que ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية et ses élèves comme ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم. Donc ce n'est ni Mohammed ibn Abdel Wahhab qui a fondé la salafia ni شيخ الإسلام ابن تيمية et ses élèves. وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ Il continue, Shir. Et ni ceux qu'il y avait avant eux, parmi les quatre imams. وَمَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ Et ceux que nous avons cités parmi les grands imams et les grands savants. وَلَا التَّابِعُونَ Et ni les tabi'ounes, ce ne sont pas eux non plus qui ont fondé la salafia. وَلَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam Et ni les compagnons de Mohammed, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas eux qui ont fondé la salafia. ولا محمد صلى الله عليه وسلم et ce n'est même pas le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui a fondé la salafia. ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام et ni ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes et les messagers, sur eux la prière et la paix. Donc la salafia n'a été fondée par personne parmi les êtres humains. Bel hiya, le cheikh il dit, bel hiya min indillah. Mais elle vient, la salafia, elle vient d'Allah. Ja'a biha an-nabiyyun wal mursalun. Ce sont les prophètes et les messagers qui sont venus avec. Ballaghu 'anillahi ma aradahu min al-'ibad shar'a. Car les prophètes et les messagers ont transmis de la part d'Allah ce qu'il a voulu de ses serviteurs, religieusement parlant. Yani les prophètes et les messagers, ils ont transmis d'Allah ce qu'Allah attendait de ses serviteurs. ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. Donc ce sont les prophètes qui sont venus avec de la part d'Allah. Et ceux qui sont venus après eux, yani après les prophètes, que ce soit les compagnons des prophètes, ou que ce soit ceux qui ont suivi les prophètes après eux, et ceux qui sont venus après, parmi les gens, naam, eh bien, tous ces gens-là, qui sont venus et qui ont suivi le chemin des prophètes, ce sont des gens qui appellent à Allah, selon la salafia. Selon la salafia. ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص. Et c'est pour cela que la salafia, le salafisme, il n'a pas de référence mis à part les textes religieux, les textes divins. فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان النص والإجماع. Et donc, les paroles et les actes, toutes les paroles et tous les actes des gens, ils sont mis sur la balance. Chez nous, chez les salafis, toutes les paroles et tous les actes sont mis sur une balance qui est composée de deux choses. Les textes religieux et l'ijma, qui est le consensus unanime. Il faut préciser unanime. Parce que le consensus, simplement, ne veut pas forcément dire qu'il y a unanimité. Donc, l'ijma, la traduction exacte de l'ijma, c'est le consensus unanime. Donc, toutes les paroles, le cheikh, il dit, toutes les paroles et tous les actes des hommes, nous, les salafis, on le met sur une balance qui est composée de deux choses. Le texte, il y a ni les textes révélés, et l'ijma, qui est le consensus unanime. فَمَنْ وَافَقَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا قُبِلَ مِنْهُ. Donc celui qui tombe en accord avec un texte ou avec un consensus unanime, alors sa parole ou son acte est accepté. وَمَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا رُدَّ عَلَيْهِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Et celui qui contredit un texte ou un consensus unanime, eh bien celui-là, ce qu'il nous a rapporté comme parole ou comme acte, est rejeté. Quelle que soit cette personne, s'il a contredit un texte révélé, ou un consensus unanime, sa parole ou son acte est rejeté, qui qu'il soit. ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. Donc le cheikh dit, puis nous regardons cette personne qui est tombée en contradiction avec le texte ou le consensus unanime. Cette personne qui est tombée en contradiction avec un texte révélé ou avec un consensus unanime, si jamais ses fondements, ce sont les fondements de la sunna, et que sa da'wa, c'est une da'wa conforme à la sunna, et que en général ce qu'il ramène, c'est conforme à la sunna, alors cette personne-là, qui est tombé ici dans une contradiction, on va réfuter son erreur et on ne le suivra pas dans cette erreur tout en préservant son honneur. Ça, c'est pour celui qui a quoi ? Qui est sur les fondements de la sunna et qui fait une da'wa conforme à la sunna et qui en général reste conforme à la sunna. Mais dans un point ou dans quelques points, il est tombé en contradiction avec un texte ou un consensus unanime. Alors, on va réfuter son erreur et on ne le suivra pas dedans, tout en préservant son honneur. Ensuite, le cheikh, il dit, وَإِنْ كَانَ ضَالًا مُبْتَدِعًا لَمْ يَعْرِفْ لِلسُنَّةِ وَزْنًا وَلَمْ تَقُمْ لَهَا عِنْدَهُ قَائِمَةً مُؤَسِّسًا أُصُولَهُ عَلَى الضَّلَالِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا يُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ الضُّلَّالِ وَيُقَابَلُ بِالزَّجْرِ وَالْإِعْلَاظِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَرَتَّبَتْ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْهُ. Donc le cheikh, il dit, après avoir cité donc celui qui est tombé en contradiction avec un texte, si jamais c'est quelqu'un de la sunna, etc., qu'il est sur les fondements de la sunna, etc., est conforme à la sunna, et qu'en général il est sur la sunna, mais qu'il là il est tombé dans une erreur, donc il nous a dit on refute son erreur, on ne le suit pas dans, dans son erreur, et on préserve son honneur. Ensuite il dit, le cheikh, par contre, si la personne qui est tombée dans cette contradiction, c'est un égaré à la base, c'est un innovateur qui ne donne pas d'importance à la sunna, et qui ne donne pas à la sunna la place qu'elle a, et qu'il est sur des fondements, et que ses fondements, et que ses bases ou ses fondements sont basés sur l'égarement. Si jamais ses bases sont fondées sur l'égarement, alors lui, on va le réfuter comme on réfute les innovateurs égareurs. Et on va se comporter avec lui et on va utiliser avec lui la répression et la dureté. On va utiliser avec lui la répression et la dureté et la mise en garde contre lui, sauf si le fait de mettre en garde amène un mal plus grand. Taïb. Ensuite, le cheikh, il dit, وَأَمَّا الْمَنْهَجُ السَّلَفِي فَهُوَ اتِّبَاعُ كُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ والتمسك بذلك قولا وعملا هذا هو المنهج السلفي وهو الطريق السلفي وهو مسلك أهل السنة والجماعة. Donc ensuite le cheikh il passe donc à la deuxième partie, puisque comme il nous avait dit au départ que pour définir le manhaj salafi, ça nécessite deux choses. La première des choses, définir les termes, le terme salafiya, et le deuxième point, ou la deuxième chose, c'est de déterminer la signification de ce manhaj. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. Il dit, quant au manhaj salafi, c'est de suivre tout ce qui est venu de la part d'Allah et de la part de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de s'y accrocher par la parole et les actes. C'est cela le manhaj salafi, et c'est cela la voie salafi, et c'est cela le chemin des gens de la sunna et de la jama'a. لِأَنَّ السَّلَفِيَّةَ لَهَا عِدَّةُ مُسَمَّيَاتٍ. Car la salafiya, le salafisme, il a plusieurs appellations. وَلَاخْتِلَافَ بَيْنَهَا فِي الْمَعْنَى. Et il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction entre ces différentes appellations d'un point de vue ni du sens. Ils vont tous dans le même sens. Toutes ces appellations différentes que le cheikh va citer, eh bien, elles vont dans le même sens. Il n'y a pas de contradiction entre elles. فَهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ. Donc les salafis, ce sont le groupe sauvé. وَالطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ. Donc parmi les noms de la salafiyya, c'est quoi? C'est Al-Firqatul Najiyya, le groupe sauvé. Et également parmi les noms de la salafiyya, le cheikh il cite Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux. Et également parmi les noms des salafis, Ahlul Hadith, et également Ahlu Sunnati wal Jama'a. طيب. وإن سألت أيها المسلم ما حاصل اعتقاد السلفية؟ Et si tu demandes, ô chers frères musulmans, quelle est la croyance ou quel est le dogme salafi, en résumé, si tu demandes quel est le dogme salafi en résumé, quel est le dogme de la salafia, quelle est la croyance de la salafia en résumé, فَجَوَابُنَا Notre réponse est لَقَدْ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا وإمام من أئمتها وهو شيخ الإسلام ابن تيمية Donc Cheikh il dit pour répondre à cela, à cette question qui est donc, on répète la question, quel est le dogme des salafis ou quel est le dogme de la salafia en résumé? Le Cheikh il dit notre réponse, nous disons à exposer cela, une parmi les grandes références de la salafia et un des plus grands imams de la salafia, qui est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu à cette question, quel est le dogme de la salafia en résumé? إذ قال في العقيدة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit dans son livre qui s'intitule l'Aqida Wasitiya, il dit ceci est la croyance ou le dogme du groupe sauvé et victorieux jusqu'à la fin des temps, les gens de la Sunna et du groupe, et ce dogme est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, en la résurrection après la mort et en la foi au destin bon et mauvais. قال مقيده يعني l'auteur ici qui est donc Cheikh Obeid, il dit وفي هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة المشهورة حديث عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل عليه السلام. Donc il dit Cheikh Obeid, et qui vont dans le sens de cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il y a des hadiths authentiques, connus, comme le hadith de Omar, qui est connu sous le nom de hadith Jibril, alayhi salam. وَفِيهِ فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ الْحَدِيثِ Et donc dans ce hadith, dans le hadith d'Ibril, il y a que Jibril, donc, qui était venu sous une forme humaine, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi, qu'est-ce que la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin bon et mauvais, jusqu'à la fin du hadith. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Qui sont quoi? Qui sont donc les règles, les fondements et les règles de. Ou des fondements et des règles de base, Rafwan. Des fondements et des règles de base dans le Minhaj Salafi. Et il va commencer avec la première règle, qui est quoi? Qui est l'affiliation à la salafia, le fait de se dire salafi. Et c'est ce que nous expliquerons dans la prochaine intervention, bi'idhnillahi ta'ala, si Allah nous accorde la vie. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.